Platon, Timée ou de la nature, argument. Markendanarchive.org, 2021, d'après Chauvet Cesset, édition Charpentier 1862, tome de books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique. Ce dialogue est à peine un dialogue. Socrate, Critias, Hermocrate prennent seulement la parole pour fournir une sorte de cadre dramatique, et la laisse aussitôt à Timée, qui la garde jusqu'à la fin. La veille, Socrate avait régalé ses amis d'un long entretien sur l'État, celui-là même qui compose la République. Ses amis doivent à leur tour lui servir un entretien pareil. C'est dans cette intention qu'ils se sont assemblés. Critias raconte une antique tradition, suivant laquelle Athènes aurait eu autrefois un gouvernement parfait, tel que celui dont il vient d'être question, avant la catastrophe qui engloutit dans les flots l'Atlantide, et le tremblement de terre qui la renversa elle-même. Un autre jour, c'est-à-dire dans un autre dialogue, le Critias, il exposera ce gouvernement parfait, cet idéal réalisé, mais il faut auparavant faire connaître l'origine de l'espèce humaine, et de la nature, et du monde en général. C'est le propre objet du discours de Timée, dont voici l'exact sommaire et la substance. Il faut d'abord distinguer entre ce qui est toujours, sans jamais devenir, et ce qui devient toujours, sans être jamais. Il faut se dire à soi-même que ce qui était saisi par la pure pensée, est peut-être connu certainement, que ce qui devient, changeant objet des sens et de l'opinion, ne peut être connu que d'une manière conjecturale. D'où il suit qu'il n'y a pas de science possible de la nature et en général du monde. Ce ne sera pas peu encore si l'on parvient à donner une explication vraisemblable de la formation de l'immense univers. Dieu est bon, et sans envie. Voilà pourquoi il a fait le monde, et le mieux possible. Voilà pourquoi il a mis dans le corps du monde une âme pour l'animer, et dans cette âme une intelligence pour l'éclairer. Voilà pourquoi il a voulu que le monde fût un animal raisonnable. Un animal raisonnable était seul digne de la providence divine. Mais suivant quel modèle a été formé cet animal raisonnable qui est le monde? Ce modèle est l'animal parfait, c'est-à-dire non pas tel ou tel animal intelligible, mais l'animal intelligible comprenant tous les animaux intelligibles particuliers. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a qu'un monde, qui enferme tout, qu'un animal raisonnable visible, qui enferme tous les animaux visibles particuliers. Le corps du monde, ayant commencé d'être, est nécessairement visible et tangible. Visible, il est donc composé de feu, tangible, il est donc composé de terre. Mais deux choses ne peuvent être unies que par une troisième, qui leur serve de moyen terme, et si ces deux choses doivent former un solide, elles ne peuvent être unies que par deux moyens termes. Il fallut donc placer l'eau et l'air entre la terre et le feu, de sorte que le corps du monde comprend ces quatre corps particuliers. Et il les comprend dans leur totalité. Il n'est pas fait de feu, de terre, d'eau et d'air, il est fait de tout le feu, de toute la terre, de toute l'eau, de tout l'air. Hors de lui, il n'y a plus rien. C'est à cela qu'il doit d'être complet, d'être unique, et c'est à cela aussi qu'il doit d'être exempt des maladies, de la vieillesse et de la mort, car rien ne peut agir du dehors sur lui, pour l'altérer ou le dissoudre. Il est sphérique, parce que c'est la forme la plus convenable pour un corps qui comprend tous les corps, et en soi la plus belle, exactement polie dans son contour, parce que, n'ayant rien à voir, rien à entendre, rien à saisir. Il n'a besoin ni d'yeux, ni d'oreilles, ni de mains, ni d'aucun organe d'aucun sens. Sphérique, il se meut uniformément, circulairement, en tournant sur lui-même, c'est-à-dire du mouvement par excellence. Avant le corps du monde, Dieu avait déjà formé l'âme du monde, cette âme raisonnable dont il a été parlé, car elle est première par sa naissance comme par sa vertu. De l'essence indivisible et de l'essence divisible mélangée, il avait formé une troisième essence intermédiaire, puis mélangé cette essence intermédiaire avec les deux premières, avec le même et l'autre, puis divisé ce mélange en des parties, composées tout du même, de l'autre et de l'essence intermédiaire, puis combiné ces parties suivant des proportions numériques, puis couper le mélange définitif en deux bandes, croiser ces deux bandes, courber leurs extrémités en cercle, imprimer au cercle extérieur le mouvement de la nature du même, au cercle intérieur le mouvement de la nature de l'autre, et donner la suprématie au premier de ces deux mouvements. Et ce fut là l'âme du monde. Selon qu'elle rencontre dans son double mouvement les choses qui demeurent ou les choses qui passent, et prononce sur les unes ou les autres, elle a des opinions solides et véritables, ou l'intelligence est la science parfaite. Or, cette âme, Dieu l'a mis dans le corps de l'univers, ou plutôt il mit le corps de l'univers dans cette âme, en faisant coïncider leur centre, et ainsi se trouva achevé, accompli, l'animal raisonnable qui est le monde. Mais le modèle du monde étant un animal éternel, il manquait encore au monde de participer à cette éternité dans la proportion que comporte sa nature. Dieu lui donna donc le temps, mobile image de l'immobile éternité, et plaça dans le ciel, dans le cercle de la nature de l'autre, le soleil, la lune, et les cinq autres astres errants, destinés à fixer et à maintenir les nombres qui le mesurent. Mais le modèle du monde étant un animal intelligible qui comprend tous les animaux intelligibles particuliers, il manquait encore au monde de comprendre tous les animaux visibles particuliers. Or, il y en a de quatre espèces, la race céleste des dieux, la race qui vole dans les airs, la race qui nage dans les eaux, la race qui marche sur la terre. Dieu donna successivement au monde ces quatre races. Il forma d'abord l'espèce divine, et la forma de feu principalement, afin qu'elle fût brillante et belle, il la fit parfaitement ronde, afin qu'elle ressemblât à l'univers, il lui octroya l'intelligence du bien, afin qu'elle marchât d'accord avec ce même univers. Cet Dieu-là, doué d'un double mouvement de rotation et en avant, il les dispersa dans toute l'étendue des cieux, animaux divins, qui se distinguent entre les astres par la régularité de leur cours. Quant aux trois espèces mortelles, ne pouvant les façonner de ses mains, sans les rendre égales aux dieux, il chargea les dieux de ce soin. Comme les hommes devaient allier à une partie mortelle une partie immortelle divine, Dieu confiait à la semence de cette dernière aux dieux subalternes. Les dieux subalternes se mirent donc à l'œuvre. Ils empruntèrent au monde des parcelles de feu, de terre, d'eau et d'air, et, les unissant, en composèrent le corps humain. Ils arrondirent la tête, pour en faire la demeure de l'âme, ou du moins de l'intelligence, et la placèrent au sommet du corps, qui dut la porter, comme un char. À la partie antérieure de la tête, au visage, ils adaptèrent les principaux organes des sens, et singulièrement les yeux, porteurs de la lumière, car les yeux renferment un feu intérieur qui ne brûle pas, et qui est proprement la lumière, Et c'est de la rencontre de la lumière du dedans et du dehors que naît la sensation de la vue. La vue, sens merveilleux, qui nous permet de contempler dans les cieux les révolutions de l'intelligence, et de régler par là les révolutions intérieures de notre propre pensée. L'ouïe, en nous rendant sensibles à l'harmonie, nous procure le même avantage. Tel est l'univers dans toute la perfection dont il est capable, et telle en est la véritable origine. Oui, c'est bien là l'univers, et l'origine de l'univers, mais uniquement au point de vue de l'intelligence qui a présidé à sa formation. Or, l'intelligence n'agit pas seule, et il y a une part à faire à la nécessité. Il faut donc reprendre les choses dès le commencement, afin d'en donner une nouvelle et plus complète explication. On avait d'abord distingué que deux choses, le modèle, qui est intelligible, l'imitation, qui est visible, en d'autres termes, les idées et les objets, en d'autres termes, l'être et la génération. Il en faut maintenant ajouter une troisième, qui est comme le réceptacle et la nourrice de tout ce qui devient. En effet, le feu, l'eau, l'air, la terre, tous les corps changent sans cesse, passent sans cesse d'un état à un autre état. Or, ces perpétuelles transformations s'accomplissent nécessairement en quelque chose qui demeure identique, qui n'est aucun corps, mais peut devenir tour à tour tous les corps, qui n'a aucune qualité, mais peut recevoir tour à tour toutes les qualités, nature invisible, sans forme, qui ne tombe pas sous les sens, saisissable seulement à une sorte de raison bâtarde, et qu'on peut appeler le lieu éternel. C'est de ce lieu éternel que sont sorties toutes les choses particulières. Voici comment. Les corps qui nous entourent naissent certainement du feu, de la terre, de l'eau et de l'air, mais le feu, la terre, l'eau et l'air sont eux-mêmes des corps composés, dont il faut chercher les éléments. Les éléments sont des triangles d'une infinie petitesse. Les triangles sont scalènes ou isocèles. Les scalènes, par leur combinaison, engendrent trois solides, savoir, la pyramide, l'octaèdre et l'icosaèdre. Les isocèles n'en engendrent qu'un, savoir, le cube. Ces solides, par leur combinaison, engendrent à leur tour quatre corps élémentaires, d'où sortent ensuite, comme il a été dit, les corps particuliers. Du rapport des corps particuliers où notre naissent les impressions accompagnées ou non de sensations, et d'abord les impressions communes au corps entier, celles du toucher. L'impression du chose s'explique à la fois par la nature du feu, qui en est le principe, et par l'effet produit sur les organes, qui en sont l'instrument. Rien de plus subtil que les parties du feu, ni de si rapide que leur mouvement, rien de si fin que ses arêtes, ni de si aigu que ses pointes. Son impression est donc celle d'un corps acéré. Il coupe, il tranche, il divise les organes, et c'est cette action sentie par l'âme qu'on nomme avec une admirable propriété la chaleur. Les éléments humides qui entourent notre corps font effort pour y pénétrer. L'humeur répandue dans les organes se trouve comprimée et résiste. De ce contact, de l'ébranlement qui s'ensuit naît le frisson, et de celui-ci la sensation du froid. Lorsque les corps en contact avec le nôtre sont très denses, c'est-à-dire formés de parties à base triangulaire, notre chair est forcée de céder à leur action, et l'impression sentie est celle de dureté. Sont-ils, au contraire, formés de petites bases, ce sont eux qui cèdent à notre pression, et nous éprouvons la sensation de mollesse. On ne comprendrait pas la pesanteur et la légèreté, si l'on ne savait précisément ce qu'il faut entendre par le haut et le bas. La vérité, ou du moins la vraisemblance, c'est que dans le monde chacun des éléments occupe une place à part, c'est que les choses de même nature s'attirent mutuellement, c'est que si l'on essaie d'enlever à la masse du feu, ou à celle de l'air, ou à celle de la terre, deux parties, l'une plus grande, l'autre plus petite, elles résisteront tous deux en vertu de l'attraction des semblables, mais la première plus, et la seconde moins. Or, la plus grande résistance de la première, qui la fait tendre en bas, c'est-à-dire vers la masse de même nature, voilà la pesanteur, la moindre résistance de la seconde, qui la laisse s'élever en haut, c'est-à-dire vers une masse hétérogène, voilà la légèreté. Quant aux impressions de rude et de polie que nous font éprouver certains corps, elles sont produites, celle-là par la dureté jointe à l'inégalité des parties, celle-ci par l'uniformité jointe à la densité. Il faut dire pourquoi, parmi ces impressions communes au corps entier, certaines sont accompagnées de sensations, et singulièrement de plaisir et de douleur. Tous les corps ne sont pas également favorables au mouvement. Un corps facile à mouvoir reçoit-il une impression, même légère, chaque partie la communique aux parties qui forment un cercle autour d'elle, en produisant sur ces parties la même impression qu'elle a reçue, jusqu'à ce que le mouvement, parvenu jusqu'à l'intelligence, l'avertisse de la puissance de l'agent. Alors il y a sensation. Mais si le corps est ferme et stable, il ne produit aucune transmission circulaire, et concentre l'affection dans la partie affectée, alors il n'y a pas sensation. Si la sensation est violente et brusque, si elle rencontre de la résistance dans les organes, si elle est contraire à leur nature, c'est une douleur. Si, tout en étant violente et brusque, tout en rencontrant de la résistance dans les organes, elle les rétablit dans leur état normal, c'est un plaisir. La sensation n'est ni agréable ni pénible, lorsqu'elle a lieu avec facilité. Les impressions propres à telle ou telle partie du corps, celles des quatre autres sens, ont lieu d'une manière analogue. Les impressions du goût, l'aigre, l'amer, le sûr, etc., sont produites, comme la plupart des autres, par des contractions et des dilatations, mais dans lesquelles le rude et le poli jouent le principal rôle. Celles de l'odorat n'ont pas d'espèce déterminée, la raison n'est que l'odeur est chose imparfaite. Les veines affectées à l'odorat étant trop étroites pour les parties de terre et d'eau, et trop larges pour celles de feu et d'air, il ne s'exhale d'odeur que des corps putréfiés, ou fondus, ou volatilisés. En général, le son est une impulsion transmise par l'air, à travers les oreilles, le cerveau et le sang, jusqu'à l'âme. Le son est grave, si le mouvement est lent, aigu, s'il est rapide, doux, s'il est égal et uniforme, etc. En général, la couleur est le feu qui s'écoule des corps, et dont les particules, proportionnées au feu de la vue, s'y unissent. Si les particules extérieures sont égales à celles du feu visuel, c'est la couleur transparente, si, plus grosse ou plus petite, elle contracte ou dilate le feu visuel, c'est le blanc et le noir, si, divisant le feu visuel jusqu'aux yeux même, elles font couler des larmes, c'est le brillant, si elles se mêlent avec le liquide contenu dans les yeux, c'est le rouge, de ces couleurs combinées naissent les autres. Tel est l'univers et son origine, au point de vue de la nécessité, il faut à présent, tenant compte à la fois de la nécessité et de l'intelligence, agivez d'exposer la formation de l'homme et des animaux inférieurs. Les dieux subalternes ne se bornèrent pas à enfermer dans la tête l'âme immortelle qu'ils avaient reçue de leur père, ils composèrent, en outre, une âme mortelle, et la mirent dans le tronc, séparée de la tête par l'isthme du cou. Et comme cette âme mortelle était double, ils divisèrent le tronc en deux cavités par la cloison du diaphragme, et la placèrent dans ces deux cavités. La partie virile de cette seconde âme fut logée dans le thorax, dans le voisinage de la tête, afin d'être mieux en mesure de prêter main forte à la raison contre les révoltes des désirs et des appétits. Le cœur, nœud des veines, et source du sang, fut mis auprès, pour transmettre les ordres et les impressions dans toute la machine, et le poumon fut greffé sur le cœur, pour le rafraîchir et en adoucir les battements. La partie qui désire le boire, le manger, et le reste, fut logée à son tour entre le diaphragme et le nombril, et attachée là comme à un râtelier où elle put se nourrir et nourrir le corps. Le foie, dense, poli et brillant, eut pour destination de réfléchir les pensées de l'intelligence, et d'en présenter les images, comme un miroir, à cette âme irraisonnable, et la retenue d'autre objet que de conserver propre et luisante la surface du foie. Le bas-ventre dut recevoir le superflu des aliments, et les nombreuses circonvolutions des intestins les retenirent plus longtemps, afin qu'ils puissent être renouvelés moins souvent. Ce fut également en vue de l'âme que les autres parties du corps furent tour à tour formées et ajoutées aux précédentes. Les dieux firent d'abord la moelle, pour y attacher les liens vitaux qui unissent l'âme au corps. Ils en arrondirent la partie supérieure, l'encéphale, et elle reçut la semence divine, c'est-à-dire l'âme immortelle. Ils divisèrent en des formes rondes et allongées le reste de la moelle, qui en retint le nom, et enchaînèrent, comme à des ancres, l'âme mortelle. Ils firent ensuite les os, et entourèrent l'encéphale d'une sphère osseuse, la moelle de vertèbre, placées les unes au-dessous des autres comme des pivots. Ils firent ensuite les nerfs et la chair, les nerfs, pour lier tous les membres, et donner aux articulations le pouvoir de se plier dans tel ou tel sens, la chair, pour garantir le corps contre le chaud et le froid, et lui tenir lieu dans les chutes d'un vêtement rembourré de laine. Cette chair, ils la distribuèrent inégalement, suivant la place et l'usage des parties, et c'est ainsi que la tête en fut presque entièrement dépourvue, dans l'intérêt de la sensibilité et de l'intelligence, auquel elle eut fait obstacle. Ils firent enfin la peau, écorce de la chair, les cheveux et les ongles, comme autant de moyens de protection. Ce corps ainsi formé devait pouvoir se nourrir. C'est pourquoi les dieux créèrent une nouvelle espèce d'être, analogue à l'espèce humaine, mais avec d'autres formes, d'autres sens, des animaux, puisqu'ils ont une âme, mais des animaux qui n'ont que la troisième âme. Ce sont les plantes, qui vivent immobiles, enracinées dans le sol. La subsistance du corps humain une fois assurée, les dieux y pratiquèrent des canaux, comme on fait dans nos jardins, afin de l'arroser comme par le cours d'un ruisseau. Ces canaux sont les veines, qu'ils envoyèrent le long de l'épine dorsale, vers la tête, et en général dans toutes les parties du corps. Ils préparèrent ensuite le liquide qui devait les parcourir. Ce liquide est le sang, formé des aliments divisés en particules dans le ventre, et emportés par le courant de la respiration dans les veines, où ils deviennent le suc nourricier. Notre corps, dans son contact avec les choses extérieures, éprouve des pertes perpétuelles, Elles sont perpétuellement réparées par le sang, dont les parties remplissent le vide, à mesure qu'il se fait dans nos organes. Les pertes surpassent-elles la réparation? L'animal dépérit, en sont-elles surpassées? Il grandit. Il est facile par là d'expliquer l'accroissement progressif de la jeunesse, le progressif affaiblissement de la vieillesse, les maladies, et la mort, leur fatale issue. Une première classe de maladies a pour cause l'excès ou le défaut, le déplacement, et enfin les altérations des quatre genres de substances qui entrent dans la constitution du corps, l'air, le feu, l'eau et la terre. Ces maladies, entre lesquelles sont les fièvres, sont de beaucoup les plus nombreuses. Une seconde classe de maladies, moins fréquentes, mais plus graves et douloureuses, a son origine dans les compositions secondaires, c'est-à-dire les substances animales, la chair, le sang, les os, la moelle, etc. Elles ont lieu lorsque ces substances, loin de se produire les unes les autres dans leur état naturel, se décomposent, et retourne chacune à la substance d'où elle procède. C'est ainsi que de la corruption de la chair et du sang naissent la bile et la pituite. La plus terrible de ces maladies est sans doute celle qui attaque la moelle. Enfin, une troisième classe comprend les maladies qui viennent de l'air respiré, de la pituite et de la bile. L'une d'elles est la maladie sacrée. Telles sont les maladies corporelles. L'âme a aussi les siennes, qui dépendent de l'état du corps. Il n'est pas de plus grand malheur pour l'âme que l'ignorance et la déraison. Aussi n'est-il rien de plus funeste que l'excès du plaisir et de la douleur, qui mettent le trouble dans ses pensées. Si la moelle engendre une semence trop abondante, l'âme est en proie au dérèglement de l'amour, et non moins troublée. De même encore, lorsque la bile, la pituite et les humeurs, ne trouvant pas d'issue au dehors, mêlent leur vapeur aux révolutions de l'âme et les empêchent. Ainsi naissent la sombre tristesse, l'audace ou la lâcheté, la stupidité ou l'oubli. Le vice est involontaire, il résulte fatalement de l'influence du corps ou d'une mauvaise éducation. Le vicieux est un malade, qui a droit d'être plaint, que nous n'avons pas droit de maudire. Comment guérir, ou plutôt éviter ces maladies? Comment conserver la santé physique et morale? En maintenant d'abord l'harmonie entre le corps et l'âme. L'inégalité des jambes chez un boiteux n'est pas plus choquante, plus funeste, que la disproportion du corps et de l'âme dans la nature humaine. L'âme est-elle meilleure que le corps? Elle s'irradie être enfermée, elle en ébranle tout l'intérieur, et le remplit de maladies. Au contraire, un corps trop puissant rend l'âme stupide. De là le précepte d'exercer à la fois corps et âme, le corps par la gymnastique, l'âme par la musique. En prenant ensuite de ces deux parties de nous-mêmes, considérées isolément, un soin égal, à l'imitation de l'harmonie de l'univers. Le corps ne peut être défendu contre les influences étrangères que par le mouvement. Le plus salutaire est celui de la gymnastique, le second est celui de la promenade en bateau ou en char, le dernier est la purgation. En général, il faut user des médicaments avec une extrême sobriété. Mais comme c'est l'âme qui gouverne, c'est principalement sur l'âme qu'il faut veiller. Or, l'âme comprend trois âmes. Il faut donc faire en sorte qu'elle s'exerce avec harmonie, en donnant à chacune les mouvements et les conversions qui lui sont propres. Honorons surtout l'âme immortelle, qui est en nous comme un génie divin. C'est par là que nous arriverons au souverain bien, et que nous obtiendrons cette sorte d'immortalité que comporte notre nature. Après les hommes, les animaux. Mais les animaux ne sont que des hommes châtiés et dégradés. Les femmes, elles, ne sont que des hommes qui furent lâches et passèrent leur vie dans l'injustice. La race des oiseaux provient de ces hommes légers, exempts de malice, grands parleurs des choses célestes, dont ils jugent uniquement par les yeux. La race des animaux terrestres, des hommes étrangers à la philosophie, esclaves de leurs passions. Ceux qui sont plus stupides ont reçu quatre pieds, afin qu'ils fussent plus fortement attachés à la terre, ceux qui sont plus stupides encore rampent bassement sur le sol. La race des animaux aquatiques, des hommes entièrement dépourvus d'intelligence, jouaient des plus grossiers appétits. Indignes de respirer un fluide pur, ils sont condamnés à vivre au fond des eaux. Tel est dans ses éléments et sa variété, dans son origine et son état actuel, l'univers, animal visible qui renferme tous les autres, Dieu sensible à la ressemblance de l'intelligence, Dieu très grand, très beau, très bon et très parfait, que nous voyons partout, sous nos pieds, sur nos têtes, le ciel enfin. Tel qu'il vient d'être résumé, le Timée diffère notablement de tous les autres dialogues par plusieurs caractères. Il nous présente d'abord, dans le discours de Timée, une véritable exposition didactique, complètement en dehors des habitudes de Platon, et qui fait de cet écrit, l'un des derniers qu'il ait composé, une sorte de traité à la manière d'Aristote. Ce changement dans la forme en amène un dans le fond. Les idées se suivent ici avec une rigueur, s'enchaînent avec une méthode qu'on chercherait vainement dans les autres parties de l'œuvre platonicienne. Le désordre signalé par M. Martin dans son étude sur le Timée est plus apparent que réel. Si Platon semble revenir deux ou trois fois sur lui-même, il n'y revient pas en effet. Son objet est l'univers, il l'étudie tour à tour au point de vue de l'intelligence, qui l'a formé, de la matière, dont il a été fait, et des êtres, qu'il comprend. C'est là un plan que ne peut blâmer la plus exigeante logique, et si Platon décrit longuement l'homme, âme et corps, en y rattachant même ce qu'il juge à propos de dire des végétaux et des animaux inférieurs, n'oublions pas que le Timée n'est dans sa pensée qu'une transition de la République au Critias, et qu'il s'y propose principalement, en remontant à l'origine du monde, d'expliquer l'origine de l'espèce humaine. Ce dialogue a de plus un caractère d'universalité philosophique qui manque aux autres. Pour rendre compte de la nature, pour exposer la formation des êtres particuliers, Platon est obligé de s'élever jusqu'aux idées, qui en sont les modèles, jusqu'à l'intelligence, qui en est la cause, jusqu'à Dieu, qui en est l'auteur. La cosmogonie implique la théologie, et comme elle y a ses principes, elle y a sa lumière, de sorte que le Timée renferme dans une certaine mesure toute la doctrine platonicienne, ses diverses parties dans leur rapport naturel, et telles que Platon les concevait à la fin de sa carrière, après une longue vie de recherche et de méditation. Enfin, le caractère éclectique qui est l'un des principaux traits de la philosophie de Platon, comme aussi de chacun de ses dialogues, est plus frappant dans celui-ci. Platon puise à toutes les sources de la tradition philosophique. Il emprunte largement à Anaxagore et aux Ioniens, à Parménide et aux Éléates, à Leucippe et aux Atomistes, à Empédocle, surtout aux Pythagoriciens. Mais c'est précisément au milieu de ces éléments plus nombreux qu'éclate plus remarquablement sa grande puissance d'assimilation. Il n'est pas un seul instant ionien, éléate, pythagoricien, il est toujours lui-même. Des découvertes des autres, Il fait une œuvre nouvelle, sur laquelle il met le sceau de son génie, et qui est incontestablement la sienne. On ne peut se défendre de le comparer à ces abeilles dont parle notre Montaigne, qui pillotent de ça de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Quelle est la valeur de cette doctrine composée de 1000 doctrines diverses? Ce n'est pas ici le lieu d'apprécier les idées cosmogoniques de Platon, et de faire le départ de la vérité et de l'erreur. Nous dirons seulement que toutes les erreurs sont dominées par une erreur capitale, celle qui consiste à déclarer que la nature n'étant qu'un flot d'apparence fugitive, elle ne saurait être scientifiquement connue, que toutes les vérités sont couronnées par une vérité suprême, celle que Platon exprime ainsi, Dieu est bon, exempt d'envie, et ce qu'il a fait, il l'a fait le mieux possible. Chauvet et ACC, édition Charpentier 1862.